Tante qui va piocher la première question. Il n'y a pas beaucoup de mains encore sur la place, donc... Alors, que diriez-vous d'une monnaie gérée en commun? Est-ce que tu as envie d'y répondre déjà, non? Ouais? Mais vas-y. Oui, mais... Bah j'ai... Bah, disons que j'ai lu certaines choses justement sur la gestion de la monnaie. Bah, bon, la gérer en commun, c'est déjà je trouve ça déjà moins con que de la laisser à un service privé, quoi. Mais après, si j'avais bien compris, c'était aussi dangereux de laisser la monnaie à l'État qu'à une entreprise privée, une société privée. Donc la gérer en commun, bah, ça reste la dernière solution possible. Mais après, comme je m'y connais pas trop, faut voir comment gérer ça. Ouais. Non, moi, juste, j'avais vu c'était dans le film Demain, je crois d'ailleurs, qu'il y avait plusieurs. C'est même pas des expérimentations d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont en place dans des régions où en fait ils ont créé une monnaie alternative pour que tout ce qui est produit dans la région, donc ils achètent les choses avec cette monnaie-là. Et ça leur permet en fait, au lieu d'avoir un système carrément de troc, du coup, d'utiliser cette monnaie de façon locale. Et donc tous les produits qui sont échangés ou qui sont vendus, du coup, sont vendus de façon locale avec cette monnaie, parce qu'ils ne peuvent pas les vendre ailleurs tant qu'ils restent dans cette monnaie-là. Et donc du coup, d'une certaine façon, elle est gérée en commun, parce que à chaque fois que quelqu'un produit quelque chose, il produit de la monnaie avec. Et après, je sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais je me demande par contre si une monnaie peut être gérée en commun, par exemple au sein d'un pays. Ça me semble peut-être un peu plus difficile, ou alors ce serait, comme tu le disais, du coup l'État qui le régule. Parce que le problème de gérer une monnaie en commun, c'est qui crée de la monnaie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une banque qui crée de la monnaie? Est-ce que c'est les citoyens qui choisissent de créer de la monnaie pour une œuvre ou pour quelque chose? Il y a aussi la question de la dette. Enfin. Ça pose beaucoup de choses en même temps. Merci. En fait, je ne sais pas si j'ai envie de parler enfin, de ce sujet-là précisément, mais comme ça a été tiré au sort, bah, je vais parler de ça. Merci. Vous posez un sujet sur la table qui revient au Front National, en fait. C'est-à-dire que c'est la fermeture des frontières. Et c'est récupérer le franc français, on va dire, et arrêter de fonctionner avec l'Europe. Et ben moi, je pense pas que c'est une très bonne idée, dans le sens où les accords, par exemple, qui étaient passés, genre Maastricht, on se rappelle tous de Maastricht, quoi, quand il y avait Jacques Chirac qui a pris un avion privé, où il a payé genre 2 millions d'euros pour aller signer une feuille, quoi. Enfin, une petite anecdote, quoi, enfin, entre nous, quoi. Mais par contre, moi, je suis pas pour la fermeture des frontières, et je suis pas pour la monnaie unique, juste parce que je pense que plus on est ensemble, et plus on est plus fort. On va dire que plus on a une monnaie unique, même si la Pologne, ils ont un PIB moins 0,5 et que la France, elle a un 0,5, ben ça peut toujours, on va dire, calmer les ardeurs des frontistes. Mais par contre, je suis pour la monnaie unique. Merci. D'autres réactions? Ouais. En fait, le fait d'utiliser une monnaie alternative, ça ne pose pas de problème au niveau un petit niveau, au niveau d'un village, d'une ville. Le problème, c'est que si cette monnaie vient à remplacer totalement la monnaie nationale, elle va se retrouver avec les mêmes problèmes que l'autre. Ensuite, fonctionner avec une monnaie unique. Bon, ça peut avoir ses avantages, mais on n'est pas obligé de fonctionner qu'avec ça. On peut très bien avoir une monnaie commune sans qu'elle soit unique. C'est-à-dire, en Union européenne, on peut très bien fonctionner avec l'euro tout en gardant les monnaies communes aux différents pays. Ça permet de garder une sécurité si la monnaie commune a des soucis de gestion. Et je vois pas trop le rapport avec le fait de fermer les frontières, avec le coût du front national. C'est, quoi qu'on ait une monnaie qui ne soit pas la même que celle des autres pays, ça nous a jamais empêché de marchander avec les pays voisins. Donc que ce soit une monnaie commune, unique ou carrément pas la même, ça n'a jamais posé de problème à ce niveau-là. Je prends juste un tout petit temps de parole du coup, mais en fait c'est dans la question, il y avait la question de la gestion. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important, en fait, comme tu disais, je pense, c'est pas tellement qu'elle soit unique ou commune, enfin, je veux dire, européenne, par exemple, ou nationale, mais je pense que c'est surtout comment elle est gérée, au final. Enfin, s'il y a une monnaie unique, même pour toute l'Europe, mais après, sinon, à partir du moment où on sait comment elle est gérée, pour qui, pourquoi, comment, je pense que ça pose pas plus de problèmes que ça. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, pour rebondir sur les frontières, en effet, on pourrait penser que l'euro peut être géré en commun. Alors, très franchement, je vois pas trop comment. Je vois pas qui prendrait du coup les décisions de la création monétaire. Pour l'instant, c'est la Banque européenne, je crois. Enfin, oui, c'est ça, la Banque centrale européenne. Mais par qui elle est gérée, cette Banque centrale européenne, ça, moi, je n'en sais rien du tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui. Toi, tu sais, d'accord. Juste le monsieur, je crois, toi et toi. Le problème de la monnaie, elle n'est pas sécurisée. Ça fait 20 jours, j'ai tombé sur un faux billet de 20 euros. Ouais. Et à cause de ça, j'ai eu des problèmes. C'est pas sécurisé. Et ils fabriquent même la monnaie ici en France, des pièces et des billets. Je crois à Lyon, je crois comme ça. Mais bon, elle n'est pas sécurisée. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que la question, oui, elle concerne la gestion. Quand on parle de... est-ce qu'on peut relire la question, si elle est quelque part c'est est-ce qu'il est possible... C'est quoi? Voilà, que diriez-vous d'une monnaie gérée en commun? Alors... Non, il n'est pas question de l'euro dans la question, mais par exemple, vu que tu abordes l'euro et qu'on aborde la question de la Banque Centrale Européenne, une des grandes questions politiques liées à l'Europe et à l'euro, c'est celle de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que cette institution est indépendante. Elle n'est pas gérée ni par des députés, ni par des élus. Et bon, moi, je suis pas très très bon sur toutes ces questions-là. Je pourrais pas donner trop de détails, voilà, le gros problème actuel de l'euro, le principal problème, c'est cette indépendance de la Banque Centrale Européenne. Donc, on a une monnaie communautaire qui n'est pas du tout unique, bon, qui n'est pas du tout gérée en commun, enfin, qui est gérée dans le commun d'un petit groupe d'administrateurs. Alors quand on parle d'avoir une monnaie gérée en commun, est-ce que le fait, par exemple, que cette Banque Centrale Européenne soit dépendante, par exemple, du Parlement européen, qui lui-même est censé représenter les populations européennes à travers les élections, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que l'euro est géré parce que ces administrateurs de la Banque Centrale Européenne sont dépendants du Parlement européen? Est-ce qu'on pourrait dire que la monnaie est gérée en commun? Est-ce qu'on peut dire que c'est du domaine du commun? C'est toujours ça, c'est-à-dire on parle de gérer en commun, c'est parler de commune. Et c'est pour ça que vous avez abordé la question des monnaies locales. Parce que quand on a des monnaies locales, et ben là, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour moi, utilisateur de ma monnaie, par exemple, parisienne, s'il y en a une, bah, de me pointer à la réunion publique sur la gestion de la monnaie dans le cas où elle serait gérée en commun. Pour aller à Bruxelles ou Francfort ou je ne sais où, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mais gérer une monnaie en commun, bah voilà, il a soulevé quand même un des problèmes. C'est que gérer de la monnaie, c'est pas simple. Il y a toute la question de la fraude. Et alors après, il y a la question des dettes, il y a la question de la planche à billets. Il y a des choses très très très complexes que personnellement je ne maîtrise pas forcément. Et bon, peut-être que quelqu'un pourra développer. Je voulais juste préciser qu'au moment de la création de l'euro, il y a eu une polémique, enfin pas une polémique, il y a eu une discussion très forte entre les Français et les Allemands. Les Français voulaient que le pouvoir politique ait un certain droit de regard sur la politique de la Banque européenne. Les Allemands étaient archi contre. Parce que les Allemands considèrent que la monnaie, c'est quelque chose de sérieux qui doit être laissé hors des mains des politiques. Pour résumer les choses, la mission de la Banque européenne, sa mission, Mario Draghi, président de la Banque européenne, a été mis à cette place pour ça, c'est explicitement maintenir l'activité à moins de 2% d'inflation. C'est ça son rôle. Il est là que pour ça. C'est augmentation des prix. Donc vraiment, c'est ça son truc. Hein. Il est nommé pour que la zone européenne se maintienne à moins de 2%. Et si vous voulez aller plus loin, il a fait une très grande transgression en 2013-2014 parce qu'il est sorti de son rôle et voyant que l'Europe va aller dans une zone de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, il a commencé à racheter massivement ce qu'on appelle le quantitative easing, des dettes publiques pour redonner de l'oxygène aux économies européennes. Ce qui n'est pas dans son rôle, mais il l'a décidé seul. Personne ne l'a forcé. Et je peux vous dire que si les États se mêlaient de la création monétaire, il y en aurait beaucoup plus et il y aurait beaucoup plus d'inflation. Voilà. En fait, je voulais répondre à une petite question qui a été posée à monsieur tout à l'heure et que ce que c'est l'inflation en fait. En fait, j'ai envie de parler de l'inflation parce que c'est un phénomène, on va dire, qui nous prenne tous de vitesse quoi. C'est-à-dire, pardon, il faut que j'approche parce que ouais. En fait, l'inflation, c'est quoi l'inflation en français? C'est la différence entre les salaires perçus au bout d'un mois, et après l'augmentation des produits, c'est-à-dire que je peux toucher 1200 euros par mois, mais par contre, je ne vais pas payer le litre de lait avec le prix que je payais genre en 2010 et qu'en 2012. Et justement, l'inflation, c'est la variation du pouvoir d'achat de nous, autant que citoyens, dans nos portefeuilles, quoi. Enfin. Oui, mais je pense que l'inflation, c'est l'augmentation des prix, mais qui influe sur le pouvoir d'achat, du coup, forcément. Ouais. Mais, il me semblait en partie que l'inflation, c'était le fait de rajouter, d'augmenter la quantité de monnaie dans le circuit. Ce qui fait que et ensuite, la conséquence. C'est. Oui. D'accord. D'accord. Donc, alors, ensuite, pour la gestion de la monnaie, savoir qui gère la monnaie, ça peut être. C'est une bonne question, mais derrière, il faut savoir comment on la fait fonctionner. Parce que si on continue à la faire fonctionner comme aujourd'hui, c'est pour augmenter la monnaie, c'est de la dette, il faut faire de la dette. Il faut faire des emprunts pour créer de la monnaie et puis oui, mais enfin il y a beaucoup moins de monnaie réelle qu'il n'y en a en matière de numérique. Il n'y aura jamais autant de monnaie réelle qu'on en a créé numériquement. Donc c'est que quand on va faire un prêt à la banque, c'est quand on va demander de l'argent à une banque. Elle ne va pas nous sortir une monnaie qu'elle possède. Elle va directement elle va écrire directement sur l'ordinateur et dire « Ok, vous voulez 10 000 euros, ça, je vous les mets sur l'ordinateur, vous les avez. » Or, il n'y a jamais eu de 10 000 euros créés sur la planche à billets, ils ne sont pas sortis. Alors, c'est les banques qui créent la monnaie, mais via les demandes de prêts. C'est pas eux qui vont sortir de la monnaie et ensuite nous qui allons faire les frais, c'est dans l'autre sens. Non. Ben c'est moi dans ma vision que la manière dont j'ai appris que comment fonctionnait l'argent, c'est que quand on va faire un prêt, il y a la banque qui va créer numériquement par exemple les 10 000 euros. C'est une reconnaissance de dette. Ils vont nous faire confiance pour qu'on puisse rembourser ces 10 000 euros. Et en plus, bon, leur petit truc, c'est qu'ils vont sortir les intérêts. Nous, on va devoir leur ressortir les intérêts, mais sous forme d'argent réel qu'on va devoir quand même les trouver dans l'autre. Et bon, en fait, alors je finis rapidement. C'est le souci maintenant, c'est qu'il y a beaucoup moins de monnaie réelle qu'il en existe numériquement, et du coup, ça fait une grosse crise. On n'arrive plus à trouver d'argent, donc il y a moins. C'est pas qu'il y a de moins. Ça influe sur le fait qu'il n'y a pas de moins en moins de boulot, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent qu'on puisse trouver pour offrir du travail. C'est la monnaie réelle se raréfie proportionnellement au fait qu'elle augmente de manière numérique. C'est bon, j'ai absolument pas préparé mon truc, ça doit être difficilement compréhensible. Je passe. Alors, juste pour rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver, du coup, on répond à la boîte à questions. Et donc, la question, c'était, que diriez-vous d'une monnaie gérée en commun? Donc, si vous avez une réaction, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro. C'est le capital maintenant, on place tout en capital pour se rapporter des intérêts. On place dans les paradis fiscaux. Et après, il n'y a pas d'argent pour les ouvriers, pour faire tourner le pays. C'est de l'argent, il n'y a jamais tant eu. Point barre. Merci beaucoup. Merci, je suis tout à fait d'accord. Je reviens sur un détail. Quand tu demandes un prêt de 10 000 euros à la banque, la banque écrit sur une ligne comptable 10 000 euros. D'accord ? C'est de la monnaie virtuelle. Mais pour toi, dans ta poche, ça devient de la monnaie réelle. On est bien d'accord ? D'accord, il a été créé parce que la banque qui t'a consenti ce prêt, c'est à emprunter elle-même à la Banque Centrale les mêmes 10 000 euros et les a reprêtés avec un delta d'intérêt. C'est la Banque Centrale qui crée l'argent, c'est les seuls à pouvoir le faire. S'il y a d'autres réactions, sinon je te laisse répondre. On est pas mal en avoir entendu parler que le fait qu'il existe 5 à 10% de la monnaie, elle existe sous forme réelle, sous forme de billets, de pièces. Tout le reste, c'est numérique. Donc, à partir de ce moment-là, la banque centrale, enfin, une banque même classique, n'a rien créé du tout. Elle vous permet d'utiliser 10 000 euros par rapport au circuit, par rapport aux 5 à 10% de monnaie existante. Elle va vous demander de rembourser cet argent. En général, ça va toujours être de manière numérique. Les 10 000 euros, une fois remboursés, ils sont détruits puisqu'ils n'existaient pas. Donc ça ne crée pas d'inflation. Et je maîtrise mal le coût d'inflation. Ça évite d'augmenter la quantité de monnaie. Mais par contre, là, ils gagnent, c'est sur l'intérêt. Parce que si la banque me demande de rembourser 1000 euros de plus que les 10 000 demandés, les 1000 euros, par contre, c'est pas elle qui les a sortis. Je vais devoir me débrouiller pour les trouver sur le reste du circuit. Mais quand j'ai demandé 10 000 euros de prêt, elle les avait pas, elle me les sort. Et ensuite, une fois qu'elle les récupère petit à petit, elle détruit cette monnaie numérique inventée, quoi. Sinon, si c'était pas le cas, la quantité de monnaie dans le monde exploserait. Ça serait. D'autres réactions sur la question de la monnaie? Mais vous pouvez répondre, hein, c'est juste pour pas trop aller dans le dialogue, mais il n'y a pas de souci. Hein. Sans rentrer dans le détail, savoir quelle est la différence entre la monnaie numérique et la monnaie numérique, celle qui est en circulation réellement en billets et celle qui est en circulation sous forme non physique, parce que ça peut être un chèque, là, ou numérique complètement. Sans rentrer dans tous ces détails, les seuls qui sont habilités à créer de la monnaie de toutes les manières qui soient, c'est la banque centrale. Et les banques, toutes les petites banques que vous avez, auxquelles vous avez accès pour avoir accès à du crédit, s'adossent et demandent à la banque centrale de leur fournir de l'argent. Et c'est pour ça que la banque centrale, chaque mois ou chaque 6 mois ou chaque 3 mois, augmente et diminue les taux d'intérêt de manière à accélérer ou à ralentir l'activité économique. Quand on augmente les taux d'intérêt, on ralentit l'activité économique. Quand on baisse les taux d'intérêt, on encourage les gens à emprunter, donc on augmente l'activité économique. Ça a aussi le rôle de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pas le détail de numéra, pas numéra, c'est pas très important. Merci, monsieur. Enfin, je propose que... Je pense qu'on a fait le tour, là, avec... Voilà, la monnaie unique, genre dans l'euro, avec les petites pièces qui se promènent dans nos poches. Et je préfère, enfin, je propose, c'est à vous de voir après, quand on retire une autre question. En fait, tu voulais me remplacer. En fait. Non, mais j'allais proposer après. Si on n'a pas d'autres réactions, effectivement, on peut changer de question. Mais si vous avez encore des choses à dire qui vous tiennent à cœur. Non, mais. C'est juste que comme on connaît pas trop le domaine, c'est difficile en fait, sans avoir quelqu'un qui nous explique clairement comment ça fonctionne, de pouvoir réfléchir dessus. Donc en effet, ça nous arrive souvent d'avoir des questions comme ça sur lesquelles c'est un peu trop précis et trop technique pour qu'on puisse sans trop connaître les développer quoi. D'accord, bon bah on va passer à une autre question du coup. Une main innocente pour tirer au hasard. Ah bon, on m'a montré du doigt une main innocente. Non. Non. Non mais faut que ça soit volontaire quand même. Ah, t'es innocent. Il y a 10 questions sur le papier, qu'est-ce que je fais ? Alors, lis la première. La première. Alors, la première question, attendez, parce que c'est vraiment, c'est tout un bouquin là. Ok. Alors, la première question, c'est quelles sont les différences et les similarités entre les prisons et les écoles ? Alors, c'est ça. Hein. Enfin, je vous la lis. Hein. Ce que je lis, c'est différence et similarité, prison, école, point d'interrogation. Ah, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Hein. Vous voulez que je vous les lise toutes ? Ok, je vous les lis toutes et on en choisit une. À quand l'invasion de Paris par les banlieues ? Bon, voilà. Troisième. Coup d'état militaire par Valls et Francesca Hollandia. Voilà. Et ensuite, Atomic Bomb on Paris. Deux doigts, victoire, atom bomb. Voilà. Vous voulez qu'on discute une de ces questions ? La bombe nucléaire, le coup d'état par Valls, oui ? Première question, la différence et similarité entre le système carcéral, les prisons et les écoles. Quelqu'un veut intervenir ? Je dirais qu'il y a déjà une grande différence, c'est qu'en prison, on ne choisit pas d'y aller, à l'école, on choisit d'y aller. Puisque l'école n'a jamais été obligatoire, elle n'est pas obligatoire, l'école. Je suis désolé. L'école n'a jamais été obligatoire, seule l'instruction est obligatoire. Donc si on va à l'école, c'est un service qu'on choisit. Et oui. Ah mais les enfants bien sûr ne choisissent pas, heureusement, parce que sinon ce sont les parents qui choisissent pour les enfants, bien évidemment, mais ce sont les parents qui choisissent de mettre leurs enfants à l'école, donc de choisir le service qui est donné par l'État et qui en principe est gratuit, mais bien sûr, bien évidemment, c'est pas gratuit, totalement gratuit. Mais l'école n'a jamais été obligatoire. Et je crois que si déjà on admettait bien ceci, je crois que l'école, effectivement, n'apparaîtrait pas comme un bagne. Tant qu'on lance et qu'on laisse cette idée que l'école est obligatoire, bien évidemment, il ne faut pas s'étonner si les enfants ils vont un peu à reculons. Merci. Tu veux réagir ? Je veux réagir. Alors moi, je voudrais dire un truc au niveau justement de l'éducation, de l'alphabétisme et tout ça. Il y a 15 ans, 20 ans, 20 ans maintenant, quand j'ai passé mon CAP en CFA, je me suis retrouvé avec des gens... Moi, je sortais du lycée parce que j'avais 18 ans. C'est mon cas à moi particulier. En attendant, je me suis retrouvé avec des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Et on était en France. Voilà. Et soi-disant des échecs scolaires et tout ça, mais des gens qui sortaient de cinquième quand même. Hein. Et ils ne savaient ni lire ni écrire. Voilà. Et ça existe encore. Et je pense que, à mon avis, maintenant, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci. Donc il y avait. Ouais, monsieur. Il y avait quelqu'un d'autre après ou... Non. S'il vous plaît, j'aimerais que monsieur m'explique. J'aimerais que monsieur m'explique la subtilité entre l'école laïque obligatoire, Gaulle-Lude Ferry, et l'obligation d'instruction. L'obligation d'instruction, vous avez l'obligation d'instruction, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, vous pouvez très bien recevoir l'instruction chez vous. C'est tout simple. Il n'y a pas d'obligation d'aller à l'école. Non, non, non. Il y a l'obligation de l'instruction jusqu'à un certain âge, mais cette instruction, on peut la recevoir où on veut. Il suffit de montrer qu'effectivement, cette instruction est donnée. Non, non, il n'y a pas d'âge. Non, absolument pas. Merci beaucoup. D'autres réactions sur la question ? C'était donc sur les similarités, différences entre prison, école. Mais bon, on est parti un peu sur autre chose, mais il n'y a pas de souci. Non ? Il y a des grilles, par exemple, je ne sais pas, c'est pareil. Quoi. Je dirais une autre différence, c'est que l'école, bon, c'est vrai que ça doit être, mais en tout cas, ça devrait être effectivement l'école de la démocratie. C'est-à-dire, c'est un endroit où on doit apprendre à réfléchir, apprendre à se comporter en citoyen responsable. Donc, c'est pas vraiment un lieu de répression comme la prison, même si la prison devrait être aussi un lieu d'éducation, mais plus que la prison, l'école, c'est vraiment un lieu où on doit apprendre la démocratie. Ça ne se fait peut-être pas toujours très bien parce que chacun le sait, la démocratie n'est pas un régime parfait, c'est un idéal et que on peut aller vers la démocratie, mais c'est pas toujours évident. Bah justement, par rapport à la question, moi, ce qui m'interrogeait, c'est déjà bon, quelles sont les similitudes en fait entre prison et éducation. Et je me suis dit, prison et école, pardon. Et vous avez dit quelque chose sur quoi je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire la prison, ça sert à éduquer. Non, enfin, ça devrait servir à éduquer. Je ne suis pas sûr parce que après ça, la prison, ça sert à punir quelque chose qui est considéré comme dangereux pour la société. Donc, si derrière il y a l'aspect aussi éducation, enfin, j'ai l'impression que du coup c'est un mélange de rôles au niveau de la prison qui me semble un petit peu dangereux. Il pourrait y avoir les deux parce que du coup, sinon. Enfin, si la prison est pensée en termes d'éducation, ça veut dire que les personnes qui vont en prison se sentent obligées, par une sorte de voilà, fameuse réinsertion sociale, d'aller dans un certain moule pour retourner dans la société, alors que déjà elles ont fait un acte qui était contre cette société. Donc je me dis si, c'est un truc dont on avait déjà parlé en plus, mais si la prison n'avait pas d'autre but que de punir l'acte, les personnes pourraient à ce moment-là faire le choix de trouver une forme d'éducation à l'extérieur, une forme de réflexion, mais qu'elle ne leur soit pas imposée en prison. Et c'est peut-être là, du coup, la similitude qu'il y avait, enfin, que la personne qui a posé cette question-là pouvait mettre entre prison et école. Mais, En fait, pour vous répondre, quoi, enfin, tous les gens qui vont en prison, c'est pas des méchants. Hein. Il y a des gens qui partent en prison qui sont carrément lésés. On va dire ça, lésés par la République, parce qu'ils travaillent pas, parce que c'est des gens qui me ressemblent, hein, on va dire ça comme ça, là, même si ça fait mal. Enfin, je me sens pas persécuté, je suis un docteur en pharmacie, je suis pharmacien, par moi-même, et je connais beaucoup de gens qui sont partis en prison. pour rien du tout, quoi. Juste parce qu'ils ont été appelés par un mec qui faisait du business, machin. Mais non, on va pas déplacer le problème. Nous, ici, on est là pour parler de la loi du travail, du 49.3. Alors, on va pas partir sur la déracialisation, sur les gens qui pètent les plombs, sur les gens, parce que les gens, ils ne trouvent pas de travail ici en France. Ils vont partir ailleurs. Ailleurs, ça va pas être la Syrie, ce sera la République, parce que la République, on l'aime, on l'adore, et c'est blanc, bleu, rouge. Bleu, blanc, rouge. Pardon. Alors, puisque la question portait sur la différence entre l'école et la prison, la principale différence, à mon avis, c'est que la prison est là pour sanctionner une faute par rapport aux règles de la société et de l'État, et que la prison a pour rôle donc d'exclure une personne pendant un temps donné de la société, alors que l'école vise un objectif contraire, c'est-à-dire intégrer une personne et lui apprendre à respecter les règles de la société. Après, ce qu'on peut souhaiter de ce que c'est qu'une école ou une prison, c'est encore un autre problème. Vous m'avez coupé un peu l'herbe sous les pieds. Je voudrais insister quand même sur le fait, effectivement, que la prison n'est pas faite pour punir. Elle est faite pour sanctionner. Et qu'il y a une grande différence entre punir et sanctionner. On punit un homme et c'est quelque chose de moral. La sanction, on sanctionne un acte ou une parole. Et c'est deux choses totalement différentes. Et tout à l'heure, quand je parlerai de l'école, je pourrais dire la même chose. Tant qu'on pensera qu'on peut punir des élèves, effectivement, ça n'ira pas. Alors que des élèves peuvent très bien être sanctionnés par rapport à ce qu'ils ont fait. Et on pourra parler de l'évaluation aussi. Tant qu'on évaluera des élèves, l'évaluation sera, je dirais, perverse. On n'a pas à évaluer des élèves. On n'a pas à dire que des élèves sont de bons élèves. On n'a pas à dire que les élèves sont de mauvais élèves. On a simplement à dire qu'à un certain moment, sur un point donné, ils ont fait un travail qui peut être bon ou mauvais. C'est tout. Mais tant qu'on pense qu'on a à évaluer les élèves, eh bien, bien évidemment, qu'est-ce que l'on fait maintenant pour ne pas dire qu'ils sont mauvais élèves? On va leur mettre des bonnes notes pour pouvoir dire qu'ils sont bons élèves. Mais on n'a absolument pas résolu la question de l'évaluation. Quelqu'un veut réagir sur la question? En tout cas, c'était différence ou similarité avec l'école ou entre l'école et la prison. Moi, je comprends en fait pas mal la question parce que tout simplement, juste pour l'anecdote, enfin, je sais que quand on était petit à l'école, souvent pour rigoler, on disait qu'on était en prison, quoi. Parce que il y a des grilles, on peut pas sortir. On nous dit de sortir dans la cour à telle heure et entre telle heure. Enfin, voilà, il y a beaucoup de ressemblances, mine de rien, quand même. En fait, énormément de ressemblances. Mais c'est sur d'autres aspects. Du coup, c'est l'autorité, etc. Mais du coup, je comprends complètement la question, quoi. Quelqu'un veut réagir? Oui, messieurs, enfin, en répondant, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire, quoi. Enfin, l'école française, par exemple, ça ne me présente pas, parce qu'en France, on est cosmopolite. On peut avoir fait l'école comme moi, par exemple. J'ai fait l'école en Tunisie, j'ai un bac plus 5, et que je suis français maintenant, quoi. Enfin... et pourtant, j'étais pas dans votre classe, quoi. Voilà. Voilà, le rapport. Voilà. Vous me demanderez un petit peu le rapport. Non. Justement, on est ici pour parler du 49.3. Genre, le passage en force du gouvernement pour faire passer une loi de travail qui nous convient pas. Monsieur, vous avez votre retraite. Vous avez travaillé pendant 40 ans. Vous allez vous reposer. Mais par contre, nous, la génération prochaine... On a envie de travailler dans des bonnes conditions. On ne veut pas qu'on nous fasse passer des lois qui ne nous conviennent pas. On est là pour résister. On est là parce qu'on est fort. On est là parce qu'on représente la République. Comme disait l'autre, bleu, blanc, rouge. Black, blanc, beurre. Merci. Désolé. Merci, mais là, en fait, on essaie de répondre à la question. C'était quoi la question derrière entre les différences et similarités entre l'école et la prison. Donc voilà. Mais pourquoi pas. S'il y a d'autres réactions ou quelle heure en fait on va peut-être passer. Il y en a encore moins 10. On a encore un peu de temps. Je pense pas qu'on va pouvoir. Juste pour vous dire, là on est à Debout Éducation Populaire, donc on peut parler autre chose que la loi travail et du 49.3. Hein. C'est pas focalisé là-dessus. Hein. Oui, c'est ça. On parle beaucoup d'autres choses d'ailleurs. beaucoup beaucoup d'autres choses. Moi, je propose qu'on tire une autre question parce qu'on est en train de parler de l'éducation alors qu'on a une intervention sur l'éducation qui va suivre. Ou alors, on peut tout simplement commencer l'intervention si Jean est prêt. Comme ça, ça fait transition directement. Donc voilà, Jean va nous parler de la question, toujours de l'éducation, alors sur le thème materner ou éduquer. Donc il nous fait une petite présentation d'une petite vingtaine de minutes et puis après on en...